Vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL et vous êtes toujours au 89.1. Et nous allons poursuivre cette première demi-heure avec des nouvelles venues de l'espace. François, tu as fait un petit tour de la revue d'actualité astronomique. Oui, tout à fait. Et donc, une petite idée, peut-être que la vie serait extraterrestre. Oui, Valérie. Alors, des chercheurs du Centre national de recherche scientifique en France viennent de mettre en évidence la formation spontanée de briques élémentaires de la vie, c'est-à-dire des acides aminés, dans une comète artificielle faite en laboratoire qui a été soumise à un puissant rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement ultraviolet serait comparable à celui auquel les comètes sont exposées en 1 million d'années habituellement. Alors, ce qui signifie que la vie qui s'est épanouie sur Terre pourrait être tombée du ciel. Belle façon de le dire. Oui, effectivement. Alors, la microcomète qui a permis ces analyses a été créée dans un laboratoire parisien de l'Institut d'astrophysique spatiale par l'équipe de Louis, le sergent d'Andecourt. Alors, dans des conditions similaires à celles de l'espace, c'est-à-dire une température de moins 200 et sous vide, les scientifiques ont condensé des éléments présents dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire de l'eau, de l'ammoniac et du méthanol, sur un morceau solide de fluorure de magnésium. Alors, au départ, l'idée des chercheurs était d'étudier les caractéristiques de la glace interstellaire en soumettant des échantillons du mélange aux ultraviolets. Mais lorsqu'ils arrêtaient l'expérience, ils retrouvaient systématiquement des résidus de matière organique. Ah. Alors, au début, ils n'y ont pas prêté attention, puis ils ont fini par se dire, mais peut-être que ça valait la... En fait, que ça avait ouais, peine ça avait peut-être une certaine importance. Exactement. Peut-être. Alors, j'imagine que peut-être ils ont regardé de plus près ces résidus pour savoir de quoi il s'agissait. Tout à fait. Les échantillons ont été confiés à l'équipe de Uwe Meyer-Heinrich et de Cornelia Meinert à l'Institut de chimie de Nice, un laboratoire qui dispose depuis 2008 d'un matériel de pointe pour l'étude de la composition moléculaire de mélanges complexes. Donc, on parle d'un chromatographe en phase gazeuse multidimensionnelle. C'est-à-dire d'un appareil qui est capable de détecter 10 fois plus de molécules qu'un chromatographe traditionnel. Mm-hmm. Alors, pour faire simple... Oui, fais-nous simple. Oui, c'est ça. On solubilise les échantillons dans l'eau, on les injecte dans un appareil qui ressemble à une colonne de distillation. Mm-hmm. Les molécules qui les composent montent le long de la colonne et selon leurs caractéristiques physiques, ils s'arrêtent à différents niveaux. Et on peut ensuite les récupérer et connaître leur masse, de façon... On peut les identifier, on peut les identifier. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces échantillons? Alors, grâce à cette technologie de fine pointe, les chimistes ont pu déceler 26 acides aminés dans la composition, dans la comète artificielle. Et à titre informatif, Valérie, je te rappelle que toutes les protéines de tous les êtres vivants connus sur Terre ne sont constitués, à l'exception de à quelques exceptions près, je dirais, de seulement 22 acides aminés différents. Ouais. Ouais. Et puis alors, là, ils ont réussi à en faire 26 d'un coup là, avec leur comète artificielle. Mm. Mais effectivement, ça peut quasiment aller à l'infini, là, les acides aminés. Alors, parmi les 26 acides aminés identifiés dans les échantillons, il y en a un, la N2-aminoéthylglycine, je le dis comme ça, là, qui serait un des constituants majeurs d'un lointain ancêtre de l'ADN, soit l'acide peptidique nucléique. Mm-hmm. Or, selon Louis, le sergent d'Andecourt, l'acide peptidique nucléique serait à l'origine des premières molécules capables de s'auto-répliquer. Ah oui, c'est intéressant. Puis là, il faut peut-être préciser que c'est justement une des caractéristiques de l'ADN d'être capable de s'auto-répliquer. C'est ça qui fait finalement la vie. L'essence de la vie. Oui, c'est intéressant ça. Et est-ce que cette découverte pourra servir à quelque chose? On veut toujours que les découvertes servent à quelque chose. Oui, en fait, ces résultats serviront dans la mission spatiale européenne Rosetta, qui doit permettre d'étudier la composition de la comète en un nom assez complexe, Churyumov-Gerasimenko. T'as bien fait ça. À partir de 1915. Alors, ils vont d'abord permettre aux chercheurs de savoir quoi étudier, quoi rechercher. Mais à terme, les scientifiques espèrent trouver le moyen d'étudier dans quelles conditions de température, de pression et d'acidité ces briques élémentaires de la vie peuvent avoir formé des systèmes vivants. S'ils arrivent à faire ça, ils auront déjà une bonne idée de comment la vie sur Terre est apparue. Du moins, ce sera une des multiples hypothèses, probablement. On va rester dans le système, en tout cas dans l'espace, parce qu'il y a les deux planètes les plus brillantes du système solaire qui sont visibles côte à côte jusqu'à fin mars. Oui, Vénus et Jupiter, en fait, les deux planètes les plus brillantes du système solaire, comme tu le disais, apparaissent côte à côte dans le ciel depuis près de 2 semaines dans un alignement rare qui va durer jusqu'à la fin mars. Pendant quelques jours, les deux planètes se sont trouvées à 3 degrés d'angle l'une de l'autre, mm-hmm. du fait d'un effet de perspective, avant de commencer à s'éloigner de nouveau le 15 mars dernier. Ça, c'est selon la revue américaine Astronomy. Alors, Vénus, que l'on appelle aussi l'étoile du berger, se trouve à la droite de Jupiter et est à peu près 10 fois plus brillante. D'accord, mais ça, c'est donc un effet de perspective, comme tu disais, parce que ces deux planètes sont en réalité sont très, très éloignées l'une de l'autre, non? Oui, Vénus et Jupiter sont très loin l'une de l'autre. Présentement, Vénus se trouve à environ 120 millions de kilomètres de la Terre, alors que Jupiter est à environ à 840 millions de kilomètres. Mm-hmm. Un tel alignement se produit environ tous les 13 mois, mais cette fois, il s'agit de la rencontre la plus spectaculaire qu'on ne reverra pas avant des années dans l'hémisphère nord. C'est ce qu'ont expliqué des astronomes cités dans le site spécialisé space.com, précisant que ce spectacle va durer plusieurs semaines. Toujours selon eux, Vénus et Jupiter devraient briller près de 4 heures après le coucher du soleil dans des latitudes moyennes de l'hémisphère nord, notamment celle de Québec. D'ailleurs, je dois dire que j'observe personnellement ce phénomène depuis quelques semaines. Ben, puisqu'il fait beau. Ah non, il y a des nuages quand même, mais peut-être qu'on pourra le regarder ce soir. Oui, effectivement, un peu après le coucher du soleil. Ouais. Et même quand le ciel est bleu, on arrive à les voir. Elles sont vraiment très brillantes. Il suffit de regarder vers l'ouest. Vers l'ouest. Vers 45 degrés d'hauteur. Ouais. Bon, on va regarder ça tout à l'heure. Mais dis-moi, il n'y a pas que Vénus et Jupiter à observer en ce moment? Oui, en même temps, à environ 180 degrés à l'est dans le ciel, Mars, lui, avec beaucoup plus que de coutume, avec son aspect rougeâtre qu'on lui connaît. Et vers la fin du mois, c'est-à-dire les 24, 25 et 26 mars, un croissant de lune se joindra à la réunion planétaire entre Jupiter et Vénus. Ça pourrait faire effectivement de très belles photos, tout ça. Elle sera donc visible en compagnie des deux planètes. Pour observer Jupiter en particulier, les astronomes encouragent le public à utiliser même des petits télescopes pour observer la grande tache rouge que l'on retrouve sur la planète et les 4 plus grandes lunes de la plus grosse planète du système solaire, qui est Jupiter. Alors, un spectacle nocturne gratuit et accessible. Effectivement. Et qui est très beau aussi. Ouais. On peut aussi en profiter pour regarder la Lune qui va être dans un fin croissant aussi. Ouais. Ben, merci beaucoup, François, pour ces nouvelles astronomiques. On fait maintenant une pause publicitaire et on vous revient ensuite pour parler du sixième sens culinaire. Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on va terminer l'émission avec une dernière actualité que François nous a préparée et on reste toujours dans le domaine du spatial. Cette fois-ci, il s'agit de l'oxygène qui a été détecté dans l'atmosphère de la lune de Saturne. C'est fort intriguant, ça, de l'oxygène dans la lune de Saturne. Ouais. Et donc, la découverte de cet élément favorable à la vie a été faite en analysant des données rapportées de Dione par la sonde Cassini. Oui, en analysant les données recueillies par la sonde Cassini en avril 2010, lors d'un survol de l'un des 62 satellites de Saturne, des chercheurs américains du Los Alamos National Laboratory ont découvert des molécules d'oxygène dans l'atmosphère, ou si vous préférez, dans l'exosphère, ou si vous préférez, dans la couche lointaine de l'atmosphère de Dione. Donc Dione, c'est quoi Dione? C'est une des lunes de Saturne. Ah, OK, d'accord. Et anecdote intéressante, Dione, qui est une lune criblée d'impact et couverte de glace, avait été découverte par Giovanni Domenico Cassini lui-même en 1684. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement, cette découverte d'oxygène autour de cette lune de Saturne? Alors, la présence d'une fine atmosphère entourant Dione confirme une hypothèse formulée après la découverte avec le télescope spatial Hubble d'une couche d'ozone qui se trouve en périphérie de cette lune. Parce que, jusqu'à ce qu'on fasse cette découverte, des doutes subsistaient encore sur sa capacité à retenir une atmosphère en raison de sa faible densité. Cependant, ça ne veut pas dire que l'air de Dione est abondant, parce que selon les calculs de l'équipe de Robert Tokar et de Michel Thompson qui ont publié leurs résultats dans la revue scientifique Geophysical Research Letters, sa concentration en oxygène n'excède pas un atome d'oxygène pour 11 centimètres cubes. Ça ne me semble pas beaucoup. Non, effectivement, ça représente en fait à peu près la concentration d'oxygène qu'on retrouve à 480 km de la surface de la Terre. Alors, quant aux molécules d'oxygène que l'on croit sans lien avec la présence de vie organique, elles seraient le fruit, en fait, du bombardement de la surface de Dionée par des ions produits par le champ magnétique de Saturne ou encore par des photons solaires. Les chercheurs pensent qu'en heurtant la glace qui recouvre le satellite, ces particules libéreraient des ions d'oxygène. Alors, finalement, pourquoi tant d'enthousiasme autour de cette découverte? Parce que le même phénomène pourrait bien se produire sur d'autres lunes de Saturne, comme Encelade, sur laquelle les scientifiques espèrent trouver, sous une épaisse couche de glace, un océan où aurait pu se développer une forme de vie comparable à celle que l'on retrouve dans l'Antarctique. Ah tiens, ça c'est vraiment intéressant alors. Effectivement. Merci beaucoup François, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'abord d'actualité, et ensuite surtout des nouvelles qui nous viennent de l'espace. Effectivement, alors ça en fait trois. Oui, c'est ça.